بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كنتني لإكسبيكاسيون دي القول الأربع للشيخ عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى. On est arrivé à الوجه الخامس par rapport à ce qui concerne الشفاعة. Il a dit قسم الشيخ هنا الشفاعة إلى قسمين مثبتة ومنفية. Donc le cheikh il dit ici, on est au sixième angle si je ne me trompe pas. Ça le sixième. Al-wajh al-sadis, huwa al-qism al-thani, al-shafa' al-muthbata, allati athbatha al-Qur'an wa athbatha as-sunnah wa athbatatha as-sunnah wa hiya allati tutlabu min Allah wahdahu duna ma siwah wa tutlabu li ahli at-tawhid khassatan wa hadhihi ash-shafa'ah al-muthbata muqayyadatun bi amrayn. Donc le sixième angle, et c'est la deuxième catégorie de l'intercession affirmée. C'est-à-dire celle qui est affirmée par le Coran et affirmée par la Sunna, et elle est demandée à Allah seul, sans la demander à autre que lui, et elle est demandée seulement pour les gens de l'unicité. Puis le cheikh, il dit, Hafidah Allah, que cette intercession affirmée, donc vous vous rappelez le matin de Qadil Arba, on avait dit que shafa'atun manfiyya wa shafa'atun musbata. Ici on parle de l'intercession qui est affirmée, shafa'atun musbata. Et il dit que cette intercession affirmée, elle est conditionnée muqayyadatun bi amrayni. Elle est conditionnée par deux choses. La première, al-amr al-awwal, idnuhu subhanahu wa ta'ala li shafi'i al-mukarram an yashfa'a lah. أي أو أن يشفع لمن أدنى للشفاعة له. Donc le cheikh il dit ici, حفظه الله, la première chose, la première condition ici, conditionnée par deux choses, eh bien c'est la permission d'Allah, le Très-Haut, pour l'intercesseur, qu'il intercède pour lui. Qu'il intercède pour celui à qui il a permis d'intercéder pour lui. Donc c'est quoi? C'est l'idn, idn Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxième, l'amr الثاني, رضاه subhanahu wa ta'ala, عن الشافعي وعن المشفوع له. قال الله جل وعلا من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقال تعالى يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا من سورة طه. وقال جل وعلا ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وقال جل وعز وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعة شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فالإذن بالشفاعة بعد الرضا هو سبحانه وتعالى لا يرضى إلا عن الموحدين سبحانه وتعالى. Donc deuxième chose ici c'est, on a parlé d'abord de la permission, la deuxième chose c'est sa satisfaction سبحانه وتعالى envers l'intercesseur, celui qui fait l'intercession, qui demande, sa satisfaction envers l'intercesseur et envers aussi celui pour qui l'intercession est demandée. Allah le Très-Haut dit, dans la traduction du sens est, ici il amène des preuves par rapport à cela, qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission. Min surat al-Baqara, et c'est le verset 255. Il dit, dans la traduction du sens est, ce jour-là, l'intercession ne profitera qu'à celui auquel le tout miséricordieux aura donné sa permission, et dont il agréera la parole. Surat Taha, verset 109. Et il dit, dans la traduction du sens est, il sait ce qui est devant eux et ce qui est derrière eux, et il n'intercède qu'en faveur de ceux qu'il a agréés, tout en étant pénétré de sa crainte. Sourate Al-Anbiya, verset 28. Puis encore un autre verset dont la traduction du sens est, et que d'ange dans les cieux dont l'intercession ne sert à rien, sinon qu'après qu'Allah l'aura permis en faveur de qui il veut et qui il agrée. Sourate Najm, verset 26. Et donc, la permission d'intercession est après la satisfaction, ou l'agrément, si vous voulez, rida, et il n'agrée que les gens qui sont sur l'unicité, al-muwahhidun. L'imam Nukathir, on va voir ça plusieurs détails après, inshallah. L'imam Nukathir, rahimallah, il dit une parole par rapport à ces versets de Surat Najm. Il dit, قال l'imam Nukathir, في تفسيره, في هذه الآيات, في النجم, التي في قوله تعالى, وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا. الآية قال هي كقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فإذا كان هذا في حق الملائكة المقربين فكيف ترجون أيها الجاهلون شفاعة هذه الأنداد عند الله عز وجل وهو لم يشرع عبادتها ولا أدن فيها بل قد نهى عنها على ألسنة جميع رسله وأنزل بالنهي عن ذلك جميع كتبه. في الشيخ دي واضح ونختم. Donc l'imam Ibn Kathir, car il fasse miséricorde, il dit dans son exégèse au sujet de ces versets de Sourate Najm, au sujet de sa parole, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dont la traduction du sens est, et que d'anges dans les cieux dont l'intercession ne sert à rien, jusqu'à la fin du verset. C'est comme sa parole subhanahu wa ta'ala dont la traduction du sens est, qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission. Sourate Al-Baqarah verset 255. Et sa parole subhanahu wa ta'ala dont la traduction du sens est, l'intercession auprès de lui ne profite qu'à celui en faveur duquel il la permet. Sourate Saba, verset 23. Et donc le shir dit, c'est Ibn Kathir rahimahullah, et donc si cela est au sujet des anges rapprochés, comment pouvez-vous espérer, ô vous les ignorants, l'intercession de ces pareils que vous avez donné à Allah, auprès d'Allah, alors qu'il n'a pas légiféré leur adoration et ne l'a pas permise, mais au contraire l'a interdite par la langue de tous les messagers et a descendu révéler l'interdiction à ce sujet dans tous ses livres. Fin de citation d'Ibn Kathir. Puis le cheikh Abdul al-Bukhari dit est-ce clair, et puis il dit, et nous allons conclure. Le septième angle maintenant. Fi kalam muhim wa nafis lil imam al-qayyim rahimahullah fi al-madarij ay madarij al-salikin hawla al-shafa'ati qala rahimahullah قال الله تعالى حاكيا عن أسلاف هؤلاء المشركين في الشيخ البخاري دي هذا تجدون السخص فت هذا تجدونه في المجلد الأول الصحيفة 40 بعد 300 من هذه الطبعة العتيقة قال تعالى حاكيا عن أسلاف هؤلاء المشركين وكلا طول بالقيم ضمن مدارج السالكين والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون من سورة الزمر ثم شهد عليهم بالكفر والكذب وأخبر أنه لا يهديهم فقال تعالى إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار فدحال من اتخذ من دون الله وليا يزعم أنه يقرب إلى الله في شيخ البخاري انتبه معي بالله قال يزعم أنه يقربه إلى الله وما أعز من تخلص من هذا بل ما أعز من لا يعادي من أنكره والذي في قلوب هؤلاء المشركين وسلفهم أن آلهتهم تشفع لهم عند الله وهذا عين الشرك وقد أنكر الله عليهم ذلك في كتابه وأبطله وأخبر أن الشفاعة كلها لله وأنه لا يشفع عنده أحد إلا لمن أذن الله أن يشفع فيه ورضي قوله وعمله. الشيخ البوز لك سؤاله هم من؟ هم الذين رضي قولهم الموحدون. فقال ابن القيم رحمه الله فليختو أنا غاب كونسنت خادي لو تو إن شاء الله ورضي قوله وعمله وهم أهل التوحيد الذين لم يتخذوا من دون الله شفعاء فإنه سبحانه يأذن لمن شاء في الشفاعة لهم حيث لم يتخذوهم شفعاء من دونه فيكون أسعد الناس بشفاعة من يأذن الله له فيكون أسعد الناس بشفاعة من يأذن الله له صاحب التوحيد الذي لم يتخذ شفيعا من دون الله ربه ومولاه والشفاعة التي أثبتها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم هي الشفاعة الصادرة عن إذنه لمن وحده والتي نفاها الله هي الشفاعة الشركية التي في قلوب المشركين المتخذين من دون الله شفعاء فيعاملون. Puis regardez ici, c'est très important et on va revenir, je vous donne une faïda en plus de Cheikh Mohamed Aman Jami dans son charah de l'Qa'il Arba'a par rapport à ça. Ça c'est une règle qa'ida fiqhiyya. Parmi les qa'ida fiqhiyya, il dit le Cheikh, intabih, wa hadi qa'idatun min al-qa'ida fiqhiyya, mu'amalatul mar'i binaqidi qasdih. Mu'amalatul mar'i binaqidi qasdih. On va revenir en français, inshallah. Qal, Ibn al-Qayyim rahimahullah, fayu'amaluna binaqidi qasdihim. Cheikh Mohamed Aman Jami rahimahullah. Qu'on illustre déjà un peu, il a dit dans le Arba, il a dit que par leur gel, leur précipitation, ils ont fait quelque chose qui leur a empêché d'obtenir l'intercession. C'est-à-dire qu'ils ont le contraire de ce qu'ils cherchaient. فَيُعَامَلُونَ بِنَقِيدِ قَصْدِهِمْ مِنْ شَفَاعَتِهِمْ وَيَفُوزْ بِهَا الْمُوَحِدُونَ وَتَأَمَّلْ قَوْلَ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لِأَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَقَالَ أَقَدْ سَأَلَهُ. Et ça, ce hadith الشيخ عبيد الجابري حفظه الله تعالى الى في الخطبه اونتيغ سور ce hadith. Les khutbah du Cheikh Obeid sont très courtes, hein, c'est ce qui est la sunna d'ailleurs, d'accord, plus ou moins 15 minutes, je me souviens bien, sur ce hadith, le hadith Abu Huraira dans Sahihain. وقد سأله يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة. قال عليه الصلاة والسلام أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قبل نفسه. والحديث أخرج البخاري في الصحيح. On va déjà traduire cette partie pour que ce soit pas trop long, inshallah. Donc dans une parole importante et précieuse de l'imam Ibn Qayyim Kalalifas Miséricorde dans Al-Madari, c'est-à-dire Madari Jissalikin, en ce qui concerne l'intercession, Al-Shafa'a, il dit Kalalifas Miséricorde, Allah le Très-Haut a dit informant au sujet des prédécesseurs de ses associateurs. Et vous trouverez, Cheikh Al-Bukhari, vous trouverez cette parole, il vous donne la référence si vous voulez la voir, dans le premier volume, page 340 de l'édition Al-Atiqa. Il dit, Ibn Qayyim rahimahullah, Allah le Très-Haut a dit informant au sujet des prédécesseurs de ses associateurs, ce dont la traduction du sens est. Tandis que ceux qui prennent des protecteurs en dehors de lui disent, nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent davantage d'Allah. En vérité, Allah jugera parmi eux sur ce en quoi ils divergent. Soit Zumar verset 3, on a déjà vu ce verset. Puis Allah subhanahu wa ta'ala a témoigné de leur mécréance, on l'a déjà dit dans le dars précédent, et de leur mensonge. Et a informé qu'il ne les guidait pas. Et a dit, ce dont la traduction du sens est, Allah ne guide pas celui qui est menteur et grand ingrat. Surat Zumar verset 3 toujours. Ceci est donc la situation de ceux qui ont pris un protecteur autre qu'Allah, prétendant qu'il les rapproche d'Allah. Puis Cheikh, il dit, Cheikh Al-Bukhari, il dit, Billah, il dit, Intabih ma'i Billah, il te dit, par Allah, je te demande par Allah que tu prêtes attention à cela avec moi. Il dit, ça souligne l'importance du sujet ici, Ikhwa, il dit, prétendant qu'il les rapproche d'Allah, et comme est rare celui qui s'est débarrassé de cela, mais de plus, comme est rare celui qui ne déteste pas celui qui blâme cela. Et ce qui est dans le cœur de ses associateurs et de leurs prédécesseurs est que leur divinité intercède pour eux auprès d'Allah. Et cela est l'association elle-même. Et Allah leur a reproché cela et l'a réfuté dans son livre, subhanahu wa ta'ala, et a informé que l'intercession appartient entièrement à lui, à Allah, subhanahu wa ta'ala. Et que nul n'intercède auprès de lui, si ce n'est celui à qui Allah a donné la permission, qu'il intercède pour lui, et au sujet duquel Allah a agréé son action et sa parole. Cheikh al-Bukhari pose la question, il dit, ils sont qui? Ceux dont Allah a agréé la parole et l'action. C'est le muhidoun, les gens de l'unicité. Qu'Allah fasse que nous fassions parmi ces gens-là. Il dit, et ce au sujet duquel Allah a agréé son action et sa parole, et ce sont les gens de l'unicité. Regardez l'importance du tawhid, ya ikhwa. Et de l'aqid en général. Je vous rappelle que Cheikh Abdullah al-Bukhari, hafidahullah, le Cheikh là qu'on est en train de lire maintenant, parmi ses shuyukh, il y avait qui? Cheikh Mohamed Aman. Cheikh Mohamed Aman al-Jami, rahmatullah alayh. Il a raconté que Cheikh Mohamed Aman, regardez, juste des fois, pour qu'on se situe un peu par rapport à ces gens-là. Cheikh Mohamed Aman, Cheikh Abdullah al-Bukhari raconte dans un audio sa mort. Comme il était Cheikh Mohamed Aman, sur son lit de mort, alayhi rahmatullah. Il a dit que le Cheikh, dans le coma, dans la maladie par laquelle Anik a été suivi par sa mort, d'accord, vous suivez? Il était trop faible pour lire lui-même et il demandait à son fils qu'il lise pour lui. Son fils lisait pour lui. Le fils qui lisait pour lui, il dit que ça lui a demandé beaucoup d'efforts et qu'il ne s'arrêtait que pour certaines choses. Sur le lit de mort de Cheikh Mohamed Aman. Où est-ce que nous par rapport à ce talab al-ilm, par rapport à cette science? Est-ce que nous qui avons, alhamdoulilah, la santé, hein, qui avons la capacité de lire, où est-ce qu'on est nous par rapport à cette lecture, par rapport à talab al-ilm? Et Cheikh Mohamed Aman al-Jami, rahmatullah alayh, il est tombé dans le coma. Et puis il s'est réveillé. Il a raconté en fait les derniers moments de Cheikh Mohamed, de son cher, de Cheikh Mohamed Aman. Et dans ces derniers moments, Cheikh Mohamed, il a dit, Akhbir l'Ikhwan. Il a dit, fais savoir aux Ikhwan, hein, Shuyur, etc. Dis-leur, Al-Aqida, Al-Aqida. Regardez l'importance de l'Aqida. Et Cheikh Mohamed Amal Jami, rahmatullah, il est considéré parmi les spécialistes de l'aqida correct à cette époque-ci. Allez, rahmatullah. Il a écrit des ouvrages, notamment As-Sifat al-Ilahiyya, un gros volume sur As-Sifat Allah Azza wa Jal. Hein? Regardez, regardez, c'est nos exemples contemporains, ya ikhwa. Contemporains. Écoutez les audios, Cheikh Mohamed Aman Jami, il a une des meilleures explications que j'ai pu en écouter de l'Qawaid Mousla de Cheikh Al-Uthaymeen. Vous connaissez l'Qawaid Mousla? C'est les règles exemplaires, je crois qu'elles appellent comme ça en français. Les règles exemplaires. C'est un livre que Cheikh Al-Uthaymeen a écrit dans les règles sur les noms d'Allah Azza wa Jal et les attributs d'Allah Azza wa Jal. D'accord? Cheikh Al-Uthaymeen a écrit un livre, il appelle Al-Qawaid Al-Mousla. Lui-même, Cheikh Al-Uthaymeen a expliqué son propre livre, qu'il appelle Sharh Al-Qawaid Al-Mousla. Et ce livre-là, c'est une référence chez le Mashaykh. Beaucoup de Mashaykh l'ont expliqué. Cheikh Oubin Al-Jadiri, ça a été publié en un volume. Cheikh Abdelrazak Al-Badr, c'est disponible sur son site en audio. Et notamment qui? Cheikh Mohamed Aman Al-Jami. Écoutez, écoutez, écoutez les cassettes et les audios. On ne coupe plus de cassettes de nos jours, mais hein. Écoutez les audios de Cheikh Mohamed Aman. Écoutez, et lisez ces livres, vous allez voir le niveau de cette personne. Et regardez, subhanallah, comment ces gens-là, qui sont, comme je l'ai dit, des contemporains, regardez l'importance qu'ils donnent à l'aqida. Al-Wasiyya. Ce sont des lits de mort. Regardez la gravité, la sévérité du moment. Et il dit quoi? Al-Aqida, al-Aqida. Ils ont compris, c'est eux qui ont compris, en fait. Il n'y a rien de plus important que l'aqida. C'est la base. Ala kulli hal. Donc le cheikh ici, il dit, prétendant qu'il le rapproche d'Allah, donc on a la parole de qui ici? C'est le cheikh al-Bukhari qui cite la parole d'Ibn Qayyim dans Madarij al-Salikin, d'accord. Prétendant qu'il le rapproche d'Allah, ikhwa, juste une petite parenthèse encore, quand on dit ça, c'est pas pour démotiver les gens, ikhwa, encore une fois. Voilà, c'est pour nous motiver nous-mêmes et motiver nos frères. Et que normalement, entre salaf et gens de la sunna, que nos moments, ils passent à cela. Surtout maintenant, il commence à faire beau. Il faisait très beau aujourd'hui. Alhamdulillah, c'est bien. C'est bien. Alhamdulillah, que cela. Les saints, ils prennent du temps en famille, ça, holallah. Hein? Ils prennent un peu de temps, un peu de nausea, un peu de repos, un peu, etc. Mais ça, ça ne devient pas tout notre temps. Ça ne devient pas tout notre temps. C'est un temps de repos, c'est-à-dire qu'on s'est fatigué à la science avant. Hein? D'accord? Qu'on passe du temps dans les livres. Qu'on se rencontre entre frères salafis pour des livres. Si on est assez entre frères, eh bien, on lit Usul Talata. On lit les paroles de ulama, on ne rajoute rien. On hafad. Vas-y, moi j'ai hafadé quelque chose aujourd'hui. Est-ce que tu peux, barakallahu fik, m'écouter pour voir si c'est correct ce que j'ai fait aujourd'hui, barakallahu fik. Hein? J'ai hafad un hadith, j'ai hafad deux. J'ai hafad trois, quatre, cinq hadiths, dix hadiths. Hein? Vous connaissez des frères et vous me rasez 20, 30 hadiths par jour de Boulou al-Maram. D'accord? Ça doit être comme ça entre nous. Ah voilà, j'ai entendu une faïda, voilà, etc. Et voilà la source, tu peux la retrouver à un tel endroit, kada, il y a un nouveau livre qui est sorti, et tout ce qui tourne autour de l'ilm. D'accord? Et Cheikh Zayd ibn Hadi al-Madkhali, hafidahullah, rahimahullah, regardez, regardez l'habitude de dire hafidahullah. Il est mort il y a quelques jours, allez, rahimahullah. Mon frère, un ami, il traduisait quelque chose de Cheikh Zayd, il me disait, subhanallah, il réfléchissait, il dit, regarde maintenant, je vais changer le texte, je vais mettre au lieu de Hafidahullah, je vais mettre Rahimahullah. Hein? Cheikh Zayd, il disait, alayhi rahmatullah, il disait, min khasa ici, al-firqati najiya, hirsuhum ala jam'i l'ilm al-shara'i. Yani, le groupe sauvé, salafiyoun, ahlul hadith, Al-Sunna, parmi leurs spécificités, les choses par lesquelles ils se distinguent des autres, c'est leur attachement, leur désir ardent à collecter, regrouper, chercher la science de la religion. Alhamdulillah, quand tu vois des frères qui sont salafis, sérieux dans leur ménage, sérieux dans leur din, alhamdulillah, c'est ça que tu vois, de wallah, alhamdulillah. Talab l'ain. Talab l'ain. Sallallahu azza wa jal, an yaj'alana min. Donc prétendant qu'il les rapproche d'Allah, et comme est rare celui qui s'est débarrassé de cela, mais de plus comme est rare celui qui ne déteste pas celui qui blâme cela. Et ce qui est dans le cœur des associateurs et de leurs prédécesseurs et que leur divinité intercède pour eux auprès d'Allah, et cela est l'association elle-même. Et Allah leur a reproché cela, et l'a réfuté dans son livre, et a informé que l'intercession appartient entièrement à Allah, et que l'une intercède auprès de lui, si ce n'est celui à qui Allah a donné la permission qu'il intercède pour lui, et au sujet duquel Allah a agréé son action et sa parole. Cher, il dit, ils sont qui? Qui sont ceux au sujet desquels Allah a agréé leur parole? Ce sont les gens d'unicité. Il dit, Ibn Qayyim rahimahullah, et au sujet duquel Allah a agréé son action et sa parole, et ce sont les gens de l'unicité, qui n'ont pas pris d'intercesseur autre qu'Allah. En dehors d'Allah. Allah le Très-Haut permet à qui il veut d'intercéder pour eux, car ils ne les ont pas pris comme intercesseur en dehors de lui. Et donc ils font partie des gens les plus heureux, ceux à qui Allah donne la permission. Celui qui est sur l'unicité et qui n'a pas pris d'intercesseur autre qu'Allah, son Seigneur et son Maître. Et l'intercession qu'Allah a affirmée et que son messager alayhi salatu wasalam a affirmée est l'intercession qui émane avec sa permission pour celui qui a lui avoué une adoration exclusive, l'unicité. Et celle qu'Allah a démentie est l'intercession qui est une association الشفاعه الشركيه qui est dans le cœur des associateurs qui prennent des protecteurs autres qu'Allah et donc ils sont traités. Il va terminer sa phrase après. Regardez ce point ici. Et donc ils sont traités, puis on va revenir. Fayu'amalun. Cheikh al-Bukhari ici, il fait un point. Il dit fayu'amalun, ils sont traités, et il dit c'est une règle ici dans le qawaid al-fiqhiyya. Retenez cette règle en français si vous ne pouvez pas la retenir en arabe. Il dit, prête attention, et c'est une règle parmi les règles de la jurisprudence, que l'individu soit traité par l'opposé de son intention. D'accord? Maintenant, on revient à la phrase qui était quoi, qu'on a dit qu'on va continuer. Et donc, ils sont traités. De son intention, qasd, d'accord, que l'individu soit traité par l'opposé de son intention, d'accord, qasd, ou de son but, si tu veux, de son dessein, E-I-N, Il dit, et donc, ils sont traités par l'opposé de leur intention quant à leur intercession, et les gens de l'unicité sont ceux qui l'obtiendront. Et médite au sujet de la parole du prophète, alayhi salatu wassalam, à Abu Huraira, quand l'agréé lui a demandé, « Ô messager d'Allah, qui sont les gens qui sont les plus heureux par ton intercession le jour du jugement ?» Et d'ailleurs, Cheikh Abel Jabiri, quand il fait le charh de ce hadith, il utilise ce hadith pour dire que c'est une preuve sur le hirs et incitation et un hath à la talab ilm. Pourquoi ? Parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à Abu Huraira, il a dit qu'il s'attendait que ça vienne, cette question d'Abu Huraira, radiallahu anhu, pour son amour du hadith et sa recherche du hadith et de l'ilm. Abu Huraira qui est celui qui mémorise le plus de hadith par le sahaba, plus de 5300 hadiths. Ô messager d'Allah, qui sont les gens les plus heureux par ton intercession le jour du jugement? Il dit, alayhi salatu wassalam, les gens les plus heureux par mon intercession le jour du jugement sont ceux qui ont dit, la ilaha illallah. Nul n'est en droit d'être adoré en dehors d'Allah. Sincèrement de son cœur. Le hadith est rapporté par Al-Bukhari dans son authentique. On s'est arrêté là ou pas? On avait continué en arabe. On s'est arrêté là, on lit comme ça, on ne perd pas en arabe aussi, c'est important. On avait dit le hadith d'Akhraj al-Bukhari fi al-Sahih, كيف جعل أعظم الأسباب التي تنال بها الشفاعة تجريد التوحيد عكس ما عند المشركين. Contraire. أن الشفاعة تنال باتخاذ أولياءهم شفعاء وعبادتهم وموالاتهم من دون الله. فقلب النبي صلى الله عليه وسلم ما في زعمهم الكاذب وأخبر أن سبب الشفاعة هو تجريد التوحيد، فحينئذ يعدل الله للشافع أن يشفع، ومن جهل المشرك اعتقاده أن من اتخذ وليا. من جهل سلا بول دي كيسي ابن قيم كيس كي شبه من الأمان الذي par leur gel et le fait qu'ils se précipitent, ils tombent dans quelque chose qui fait que ça leur empêche d'avoir l'intercession. ومن جهل المشرك اعتقاده أن من اتخذ وليا أو شفيعا أن يشفع له وينفع عند الله كما يكون خواص الملوك والولاة تنفع شفاعتهم من والاهم ولم يعلموا أن الله لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه ولا يعدم في الشفاعة إلا لمن رضي قوله وعمله كما قال تعالى في الفصل الأول من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه وفي الفصل الثاني ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وبقي فصل ثالث كتيس لفائدة وبقي فصل ثالث وهو أن لا يرضى من القول والعمل إلا التوحيد واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وعن هاتين الكلمتين شيخ البخاري جاكم فانتبه بخيط اتنسيون قال وعن هاتين الكلمتين يسأل الأولين والآخرين كما قال أبو العالية رحمه الله كلمتان يسأل عنهما الأولون والآخرون ماذا كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرسلين فهذه ثلاثة فصول تقطع شجرة الشرك من قلب من وعاها وعقلها لا شفاعة إلا بإذنه ولا يأذن إلا لمن رضى قوله وعمله ولا يرضى من القول والعمل إلا توحيده واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم في كلام مطول له رحمه الله راجعوه فيه في الشيخ دي واضح نعم. On continue la traduction de cet excellent passage ici de Cheikh al-Bukhari, Hafidahullah. On a dit le hadith, il est rapporté par al-Bukhari, hadith de qui? Abu Huraira, radiallahu anhu arda, dans son authentique. Comment a-t-il rendu le plus grand moyen pour... Question, c'est quoi le nom d'Abu Huraira? Ça c'est... C'est Abdurrahman, un des avis que certains ulama considèrent le plus fort, c'est Abdurrahman ibn Sakhr. D'accord? Connaître Sahaba, Salafiyun. Atba' Sahaba. Le hadith est rapporté par Al-Bukhari dans son authentique. Comment a-t-il rendu le plus grand moyen pour obtenir l'intercession? La réalisation d'une lucidité pure. Le contraire de ce qu'ont les associateurs, que l'intercession est obtenue par le fait qu'ils prennent leur protecteur comme intercesseur et qu'ils les adorent et les aiment en dehors d'Allah. Et donc le prophète, alayhi salatu wa sallam, il a retourné ceux qui se trouvent dans leurs prétentions mensongères et informer que la cause de l'intercession est quoi? La réalisation de l'unicité pure. Tajrid al-Tawhid. Tajrid al-Tawhid. Et qu'à ce moment-là, Allah permet à l'intercesseur d'intercéder. Hein? Et je vous renvoie, soyez curieux, on dit ça pour que motiver à aller voir. Allez voir les textes et les ulama ce qu'ils ont dit sur ce qu'on appelle al-Shafa'atul Uzma. C'est quoi al-Shafa'atul Uzma? Et c'est de qui? Retournez à ces textes-là. D'accord? Al-Shafa'atu, Mashiach, ils appellent ça Al-Shafa'atul Uzma. D'accord? Ça, c'était un point qui me revient en tête maintenant, même si c'était. Et fait partie de l'ignorance de l'associateur qu'il croit que celui qui prend un protecteur ou un intercesseur qui l'intercédera pour lui. Et lui sera utile auprès d'Allah, comme le sont les proches des rois et des gouverneurs, c'est-à-dire que l'intercession de ceux qui sont leurs alliés est utile. Et ils n'ont pas su que nous l'intercèdent auprès d'Allah si ce n'est avec sa permission. Et qu'il ne permet l'intercession qu'à celui dont il agrée la parole et l'action. Comme Allah le Très-Haut a dit dans la première partie, c'est dans la traduction du sens est, qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission? Surat al-Baqarah, verset 255. Et dans la deuxième partie, selon la traduction du sens est, il n'intercède qu'en faveur de ceux qu'il a agréés. Surat al-Anbiya, verset 28. Et écoutez cette troisième partie maintenant. Et il reste une troisième partie. Qu'il n'agrée, subhanahu wa ta'ala, comme parole. On a dit qu'il faut qu'il ait la permission et qu'il agrée, la parole, l'action de celui pour laquelle l'intercession est demandée. D'accord? Et il reste une troisième partie, et qu'il n'agrée comme parole et comme action que l'unicité et le suivi du messager, alayhi salatu wassalam. Et au sujet de ces deux paroles, prête attention, il questionnera les premiers et les derniers. Comme a dit Abu al-Aliya, quand Allah lui fasse miséricorde, il a dit, deux paroles au sujet desquelles les premiers et les derniers seront questionnés, qu'adoriez-vous et qu'avez-vous répondu aux envoyés? ماذا كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرسلين. Et donc ces trois parties, on a parlé de ce que le mushrik qu'il a dans son cœur par rapport à l'intercession. Regardez ce qu'il dit ici. Et donc ces trois parties, toujours Ibn al-Qayyim ici, hein. Et donc ces trois parties coupent l'arbre de l'association du cœur de celui qui les a comprises et les a méditées. C'est quoi ces trois parties? On va les résumer et je vous les ai mis comme ça ici en trois points sur les notes, d'accord? C'est quoi? 1. Pas d'intercession si ce n'est avec sa permission, subhanahu wa ta'ala. 2. Hein? 2. Il ne la permet que pour celui dont il agrée sa parole et son action. 3. Il n'agrée comme parole et comme action que l'unicité et le suivi de son messager. Allez, salatu salam. Allez, dans une longue parole de sa part, allez, rahmatullah, qu'Allah lui fasse miséricorde, et retournez à cette parole. Est-ce clair? Qui, l'étudiant qui est avec Cheikh al-Bukhari, il lit le matn pour avancer dans le matn, et on est à la troisième règle maintenant. قال الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى القاعدة الثالثة. Quelqu'un veut réciter par cœur, profite. Troisième règle, personne. On continue. Prochaine fois peut-être, inshallah. Hein? القاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم منهم من يعبد الملائكة ومنهم يعبد الأنبياء والصالحين ومنهم يعبد الأشجار والأحجار ومنهم يعبد الشمس والقمر وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم. شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب قال لي فاز ميزريكورد il dit la troisième règle, القاعدة الثالثة, c'est-à-dire les trois, la troisième parmi les quatre qu'on est en train d'étudier dans cet épître. La troisième règle que le prophète, alayhi salatu wassalam, est apparu au sein de gens divisés dans leur adoration. Certains parmi eux adoraient les anges, et certains adoraient les prophètes et les vertueux, et certains adoraient les arbres et les pierres, et certains adoraient le soleil et la lune, et le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, les a tous combattus sans faire de différence entre eux. Maintenant, l'explication de ce passage, on ne va pas faire toute la troisième règle aujourd'hui, de Cheikh Abdal Bukhari hafidhahullah. الشرح هو هذه القاعدة هي القاعدة الثالثة من هذه الرسالة العظيمة والكلام عليها شرحا من وجوه. الوجه الأول لتعلم أيها الطالب أن هذه القاعدة قاعدة نافعة إذ فيها بيان أصناف عبادات من ظهر فيهم النبي صلى الله عليه وسلم وأن شركهم متنوع غير محصور إذ فيهم من يعبد الملائكة ومن يعبد الأشجار ومن يعبد الأحجار ومن يعبد الصالحين والأنبياء وغير ذلك يعني أو غير ذلك يعني أنهم ليسوا على باب واحد في الشرك أو صورة واحدة لهم صور وأبواب نعم مختلفة وكثيرة واضح. L'explication de Cheikh Abd al-Rahim al-Bukhari car le préserve de cette troisième règle. Cette règle est la troisième règle dans cet épître d'une grande importance et l'explication en sera sous plusieurs angles. Le premier angle, sache ô toi l'étudiant que cette règle est une règle bénéfique, car elle contient la mise en évidence des différentes adorations de ceux au sein desquels est apparu le prophète, alayhi salatu wassalam, et que leur association était de différentes sortes, et pas restreinte à une, car parmi eux, certains adoraient les anges, et certains adoraient les arbres, et certains adoraient les pierres, et certains adoraient les vertueux et les prophètes, et autres. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas dans le même domaine en termes d'association, ou dans la même forme d'association. Ils avaient des formes et des manières différentes et nombreuses. Est-ce clair? Le deuxième angle, al-wajh al-thani, anna an-nabi alayhi salatu wassalam, na'am, lam yufarriq bayna at-tawa'if al-mushrika. An-nabi alayhi salatu wassalam lam yufarriq bayna hadhihi at-tawa'if al-mushrika. Bal kulluha ja'alaha mushrikatan billahi falam yuqatil ta'ifatan duna ta'ifah. Wa lam yufarriq bayna ta'ifatin min al-mushrikin duna ta'ifah. Bima'na lam yuqatil man 'abada ash-shajar duna man 'abada al-hajar. ولم يقاتل من عبد الحجر دون من عبد الأنبياء والصالحين بل قاتل الجميع قاتلهم على شركهم وكفرهم بالله جل وعز. واستدل الشيخ رحمه الله أي شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى على هذا بآية الأنفال، قال وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، أي الفتنة أي الشرك، والمراد بالفتنة هنا إيش؟ الشرك، فلا يفتن المسلم عن دينه. وقاتلهم حتى لا تكون فتنة بالشرك فيفتن المسلم عن دينه فيعبد غير الله، وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، أي يكون التوحيد خالصا لله دون ما سواه فلا يعبد إلا الله، ذلك أن الله عز وجل لا يرضى الشرك، سواء كان المشرك به ملكا، المشرك به ملكا أو نبيا أو رسولا أو شجرا أو حجرا أو مدرا أو غير ذلك، كل ذلك لا يرضاه بل ينهى عنه. إذ الشرك في جميع صوره، الشرك بجميع صوره محرم منهي عنه. قال الله جل وعلا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وشيئا هنا نكرة في سياق النهي. وتني pour les frères qui veulent طلب العلم، وتني ce genre de فوائد ici كنكرة في سياق النهي تعم تنغقل ça النكرة في سياق النهي تعم ما تخديوخ ça إن شاء الله. Parce qu'il a dit Allah Azza wa Jalla واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، c'est-à-dire adorer Allah et ne lui associer rien. Rien. Comment les ulémas ont pris le mot rien? Parce que le mot shay'an en arabe c'est nakiran, indéterminé. Il n'y a pas d'alif lam, on est d'accord, c'est shay'an. Et nakira, quand ça vient dans le fil ou dans le contexte d'une interdiction, ça a valeur de généralité. Nakira, fi siyaq an-nahy ta'um. C'est une dala'il al-umum, comme ils disent les ulama. Dala'il al-umum. Il y a des manières comme on exprime la généralité dans la sharia. Comme kul. كل بدعة ضلالة، خير في دينه بدعة حسنة، يا بدعة جسبك لا كيف كل بدعة ضلالة، تفهم دي كل تفيد العموم، داكور. ينطق أسلوب العموم كش فودان العمادي المفرد إذا أضيف يعم، لأنه سينجولي لخش لازم إضافة، سويس كل إضافة مضاف مضاف إليه، داكور. إذا أضيف يا عم، le mot singulier quand il y a une affixation si vous voulez une إضافة، eh bien ça a valeur de généralité. Je répète cette phrase وشيئا هنا نكرة في سياق النهي، وهذا من دلائل العموم في وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معاذ أتدري حق الله على عباده، في الحديث قال حق على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، فالشرك بجميع صوره محرم لا يجوز. Alors c'était quoi ce deuxième angle ici, ce deuxième angle? Eh bien le prophète alayhi salatu wassalam n'a pas fait de différence quant aux différents groupes d'associateurs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait de différence entre ces différents groupes d'associateurs, mais au contraire, il les a jugés tous comme étant des groupes qui associent Allah. Et donc il n'a pas combattu un groupe sans combattre l'autre. Et il n'a pas fait de différence entre un groupe d'associateurs et un autre. C'est-à-dire qu'il n'a pas combattu ceux qui adoraient les arbres sans combattre ceux qui adoraient les pierres. Et il n'a pas combattu ceux qui adoraient les pierres sans combattre ceux qui adoraient les prophètes et les vertueux. Mais au contraire, il les a tous combattus en raison de leur association et de leur mécréance envers Allah le Très-Haut subhanahu wa ta'ala. Et le cheikh, cheikh l'Islam, Mohammed ibn al-Wahhab, qu'Allah lui fasse miséricorde, il a utilisé pour preuve, pour cela, la verset, le verset de Sourate Al-Anfal. Dont la traduction du sens est « et combattez-les jusqu'à ce qu'il ne subsiste plus de fitna ». Je vais revenir par rapport à ce mot « fitna ». Sur Al-Anfal, verset 39. « Fitna » ici, c'est quoi ?« Al-Shirk », l'association. « Hatta la takuna fitna ». Et quel est le sens du mot « fitna » ici? Le shirk, il dit « l'association ». Et que donc, le musulman ne change pas sa religion. « Et combattez-les jusqu'à ce qu'il ne subsiste plus de fitna », plus d'association. Donc « fitna », c'est quoi? Par l'association. Et que donc le musulman change sa religion et adore autre qu'Allah. Et combattez-les jusqu'à ce qu'il ne subsiste plus d'association et que la religion soit entièrement à Allah. Ou yakoun ad-dinu kulluhu lillah. Sourate Al-Anfal, verset 39. C'est-à-dire que l'unicité soit sincère pour Allah, exclusivement pour lui, subhanahu wa ta'ala. Et que seul Allah soit adoré. Et cela car Allah n'agrée pas l'association. Et ce que celui qui lui est associé soit un ange, ou un prophète, ou un messager, ou un arbre, ou une pierre, ou un édifice, ou autre. Il n'agrée rien de cela, mais de plus il l'interdit, car l'association sous toutes ses formes est illicite et interdite. Allah le très haut dit, ce dont la traduction du sens est « Wa'budu Allah wa la tushriku bihi shay'a ». Cheikh Ahmed Najmi rahmatullah alayhi, il a une risala que sur ce verset-là. Surat Nisa, verset 36. Et le mot « shay'an », le mot « shay'an », si vous ne savez pas c'est quoi « nakira », eh bien je vous incite grandement à apprendre la langue arabe. Parce que c'est une notion fondamentale, une notion de base que tu fais dans les premiers cours d'arabe. « Nakira » ou « al-ma'rifa ». Hein? Pardon? Tome 1 de Médine. Mais peut-être, je ne me souviens plus, mais peut-être. Yani, c'est vraiment dans les ABCD de la langue arabe. D'accord? Al-Nakira. L'indéterminé, il traduit ça, ou l'indéfini. Il faut traduire ça en français, d'accord? Hein? Nakira, ici il dit, Shay'an, est un indéterminé qui est dans le fil ou le contexte d'une interdiction. Fisiak Nahi. Et cela fait partie des preuves de la généralité. Et il a été rapporté dans les deux authentiques que le prophète, alayhi salatu wasallam, il a dit, ya, oh Mu'ad, sais-tu quel est le droit d'Allah sur ses serviteurs? Dans le hadith, il dit, le droit d'Allah sur ses serviteurs est qu'il l'adore et ne lui associe rien. Donc, l'association sous toutes ses formes est illicite et n'est pas permise. Al-Wajh al-Thalith, troisième angle d'explication de cette troisième règle. Vous suivez-tu où on est dans le cours ici, hein? On fait les quatre règles, de qui? Cheikh Mohamed Abdelhab Rahman l'a expliqué par qui? Par Cheikh Al-Bukhari. On est à laquelle règle? À quelle règle maintenant? Troisième. Et on est au troisième angle d'explication de cette troisième règle. Anna kula man abada shay'an min hadhihi al-ashya' wa fi al-haqiqati 'abidun lish-shaytan. Wa al-Imam al-Qayyim kalam 'azim mufid fi hadha fi kitabih. Vous avez compris une des raisons que je vous avais dit pour laquelle j'ai choisi ce sharh, c'est qu'il cite beaucoup Al-Qayyim rahimahullah. Fi kitabih al-jawab al-kafi liman sa'ala Ani Dawa Ishafi. Vous connaissez le Jawab al-Kafi? Qui connaît ce livre? Moi je vais vous dire que vous le connaissez. Qui connaît Dawa al-Dawa? Hein? Qui connaît ce livre d'Ibn al-Qayyim? Comment ils appellent ça? Le mal et le remède? Quelque chose comme ça? Ou, en français? Hein? Qui connaît ce livre d'Ibn al-Qayyim? Eh ben, c'est le même, c'est un autre titre, c'est une autre manière de le dire, c'est tout. D'accord? Le Jawab al-Kafi, liman sa'ala ani Dawa Ishafi. أو المسمى بالدواء والدواء يقول رحمه الله وهل قدره حق قدره من شارك بينه وبين عدوه في محض حقه من الإجلال من شارك بينه سبحانه وتعالى بين عدوه وهو من عدوه الشيطان في محض حقه في من الإجلال والتعظيم والطاعة والذل والخضوع والخوف والرجاء فلو جعل له من أقرب الخلق إليه شريكا في ذلك لكان ذلك جراءة وتوبثا عفوا وتوثبا على محض حقه واستهانة به جل وعلا وتشريكا بينه وبين غيره فيما لا ينبغي ولا يصلح إلا له سبحانه وتعالى فكيف وإنما شارك بينه وبين أبغض الخلق إليه وأهونهم عليه وأمقتهم عنده وهو عدوه على الحقيقة فإنه من عبد من دون الله فإنه ما عبد من دون الله إلا الشيطان كما قال تعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم في سورة ياسين قال ولما عبد المشركون الملائكة بزعمهم وقعت عبادتهم في نفس الأمر للشياطين وهم يظنون أنهم يعبدون الملائكة كما قال الله تعالى ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون من سورة سبأ فالشيطان يدعو المشرك إلى عبادته ويوهمه أنه ملك وكذلك عباد الشمس والقمر والكواكب يزعمون أنهم يعبدون روحانيات هذه الكواكب وهي التي تخاطبهم وتقضي لهم الحوائج ولهذا إذا طلعت الشمس قارنها الشيطان فيسجد لها الكافر فيقع سجودهم له ولهذا جاء النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند الغروب لأن تطلع على قرن الشيطان وتغرب على قرن الشيطان كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام وجد خجوخ ساء فكسة خلو Le troisième angle. Quiconque adore l'une de ces choses, vous savez qu'on a dit que, si tu es un peu, l'arba, la troisième règle, c'est quoi? C'est que les mouchriquines, au sein desquels le prophète s'est apparu, ils avaient quoi? Différentes adorations. On est d'accord. Mais qu'ils a tous, quoi? Combattu. Il n'a pas fait de différence entre eux. Regardez ce que dit le cheikh ici. Il dit, quiconque adore l'une de ces choses est en vérité un adorateur de Satan. Et l'imam Ibn Qayyim a une parole importante et bénéfique à ce sujet dans son livre Al-Jawab al-Kafi liman sa'ala 'an ad-dawa' ash-shafi, qu'on appelle aussi Ad-da' wad-dawa', si vous voulez, le mal et le remède. Il dit qu'Allah lui fasse miséricorde, Ibn Qayyim rahimahullah, a-t-il estimé Allah à sa juste valeur celui qui l'a mis au même niveau que son ennemi, et c'est qui? Shaitan. Dans ce qui est son droit à lui seul en termes de culte. On a vu, c'est le droit d'Allah. Le hadith de qui? De Mu'ad. Ya Mu'ad. Ya tadri mahaqullah ala al-ibad. Et dans ce qui est son droit à lui seul en termes de culte et de glorification et d'obéissance et de soumission et d'humilité et de crainte et d'espoir. Et s'il lui avait donné comme associant cela la plus proche des créatures de lui, et s'il lui avait donné comme associant en cela la plus proche des créatures de lui, subhanahu wa ta'ala, cela aurait été une effronterie, une injustice envers son droit, à lui seul, et une sous-estimation de lui, exalté soit-il. Et le fait de lui associer quelqu'un d'autre que lui dans ce qui ne convient qu'à lui, qu'en est-il alors lorsqu'il lui a associé la plus détestée des créatures par lui, et la plus futile, et la plus exécrable, et c'est son ennemi en réalité qui a un adoré en dehors d'Allah que Satan. Comme Allah le Très-Haut a dit, selon la traduction du sens, hein, ne vous ai-je pas engagé, enfant d'Adam, à ne pas adorer le diable? Car il est vraiment pour vous un ennemi déclaré. Et ne vous ai-je pas engagé à m'adorer? Voilà un chemin bien droit. Et on pourrait parler de cette adawat shaitan. Il y a des machères, ils ont des khotab et des doros entiers sur adawat shaitan. Shaitan du premier souffle de ta vie, et même avant. Est-ce qu'il n'y a pas une dua que tu fais quand tu as des rapports sexuels? Il essaie de fsid. D'accord? Et premier souffle, il est là. Jusqu'à la fin de ta vie, il y a une dua que tu dis d'ailleurs. Wa a'udu bika an yatakhabbatani ash-shaytanu 'inda al-maut. Parce que Shaitan, quand tu es au moment de ta mort, à ton agonie, il vient et il essaie de te faire quoi? Vaciller. Il essaie d'obtenir quelque chose de toi. Il ne te lâche pas. Parce que tu as déjà vu un ennemi comme ça, il ne te lâche pas. Mais comment tu veux combattre ton ennemi si tu ne le connais pas? Car il est pour vous un ennemi déclaré et ne vous ai-je pas engagé à m'adorer? Voilà un chemin bien droit, et c'est sourate Yassine, verset 60-61. Et il dit, et lorsque les associateurs ont adoré les anges, comme ils le prétendent, leur adoration a eu lieu dans la même chose pour Satan, alors qu'ils pensent qu'ils adorent les anges. Il dit pour les démons, alors qu'ils pensent qu'ils adorent les anges. Je crois qu'il a dit les démons ici, hein, en arabe. Ça, hein? Alors qu'ils pensent qu'ils adorent les anges, comme Allah le Très-Haut a dit, selon la traduction du sens est, et un jour il les rassemblera tous, puis il dira aux anges, est-ce vous que ces gens-là adoraient? Ils diront, gloire à toi, tu es notre allié en dehors d'eux. Ils adoraient plutôt les djinns, en qui la plupart d'entre eux croyaient. Surat Saba, verset 40-41. Satan donc appelle l'associateur à l'adorer lui, et lui fait croire que c'est un ange. Et de même, pour les adorateurs du soleil, et de la lune, et des astres, qui prétendent qu'ils adorent les esprits de ces astres, qui sont ceux qui leur adressent, ou si vous voulez la spiritualité de ces astres, hein, qui sont ceux qui leur adressent la parole et accomplissent leurs besoins. Et c'est pour cela que lorsque le soleil se lève, Satan l'accompagne. Et donc le mécréant se prosterne pour le soleil, mais leur prosternation a lieu pour Satan. Vous savez qu'il y a des temps de nahi pour ce qu'on appelle le nawafil, d'accord, ce que les prières sont obligatoires, il y a des moments où il t'est interdit de prier. Il faut relire au livre de Fiqh pour avoir plus de détails à ce sujet-là. Et parmi les deux moments, c'est quoi? Hein? Et quoi? Et après? Ou avant, plutôt? Non. Mais revenez plus à, par exemple, à l'explication de Zad Moustaqni sur l'Uthaymin, sur l'Al-Mumti', ce qui donne des détails. Elle dit quand, à partir de combien de minutes, etc., tu peux être sûr d'être sorti de ce temps-là, etc. D'accord ? Si je ne me trompe pas, dans le volume 4 de Sharh al-Mumti'a. Il fait 15 volumes. C'est l'explication Zal al-Mustaqni' qui est un matin dans le fiqh al-Hanbali que Cheikh al-Uthaymeen a expliqué. Il est dans la mosquée ici quelque part. Je crois qu'il est là-bas. Ouais, il est là-bas dans le fond. Il fait 15 volumes. Il a été édité de manière complète de Cheikh Mohamed bin Salih al-Uthaymeen rahimahullah ta'ala. Et c'est vraiment une référence. Qui nous permet de l'étudier. D'ailleurs, si je ne me trompe pas, pour les frères qui font le Sharh al-Mu'tiqad avec Cheikh Mustafa Mabram, il avait parlé, il avait expliqué le hadith dans l'Aqida, il avait dit « Waqqinni sharra ma qadayt » et puis il a dit le hadith « Laisse sharr ilayk » Hein? Ça ou là? Ben justement, dans ce même volume-là, si je ne me trompe pas, Cheikh al-Uthaymeen, il fait un jam' entre ces deux dalils-là. « Fa'ida dans l'Aqida » Donc on a dit quoi ici? On était où? On est arrivé où? Et c'est pour cela qu'est venue l'interdiction de prier au lever du soleil. Ça vous a la réponse à votre question, à la question. Et au coucher, car le soleil monte sur la corne d'un démon et se couche sur la corne d'un démon, comme on a informé le prophète, alayhi salatu wassalam. Qarn différent, qarn shaitan. Yani, il y a des riwayats qui sont qarn ash-shaitan, des riwayats qui sont qarn shaitan. Et même le mot qarn, yani, qu'est-ce que les ulama ils ont compris par ça? Il y a différents avis, etc. Revenez au livre des ulama par rapport à ça. On est arrêté là en arabe? قال فيقع سجودهم له وكذلك عند غروبه وكذلك من عبد المسيح وأمه. Ici pourquoi c'est qui le Messie ici? C'est Isa ibn Maryam. D'ailleurs vous savez que le Messie ici il a sens de quoi? Parce qu'on appelle aussi le Messie Dajjal. C'est quoi la différence entre le Messie Isa et le Messie Dajjal? Sur l'Athémine, hein? Pourquoi? C'est le même mot. Si, regardez, Masih, Masih. C'est ça, sur l'Athémine, il a dit ça dans le Kitab Tawhid, il a dit que c'est Masih, la wazn, Masih. Parce qu'il essuyait, quoi? De sa main, les malades, hein, d'accord? Tandis que le Masih Dajjal, c'est la wazn, Mamsouh, Mamsouh, l'Ain Lyumna. Parce qu'il a pas d'œil droit, son œil droit est effacé. C'est la faïda que je vous donne, d'accord? On l'appelle Messie Dajjal, Messie Dalala, hein? Différents noms. D'accord? Il y a une risala qui a été écrite par Cheikh Al-Albani, sur le Messie Dajjal, complète. Et c'est très important parce que c'est une grosse fitna. C'est important de savoir et de savoir comment... J'avais déjà parlé dans un de mes cours, mais c'est quelques années, pour les frères qui étaient pas là quelques années, on avait déjà un peu parlé de ça, et on avait rapporté quelques points que le croyant doit garder en tête s'il rencontre cette fitna. D'accord. Donc c'est important de revoir ça. C'est une risala qui a été imprimée, qui est disponible, même si vous ne l'avez pas, vous la trouvez très facilement, je pense, en PDF sur Internet. Donc on a dit ici المسيح وأمه لم يعبدهما وإنما عبد الشيطان فإنه يزعم أنه يعبد من أمره بعبادته وعبادة أمه ورضي لهم وأمرهم بها وهذا هو الشيطان الرجيم لأن لا عبد الله ورسوله عليه الصلاة والسلام فتنزل هذا كله على قوله تعالى une petite faïda que je vous donne encore hein? Ça en passant Cheikh Mustafa Mabram dans le dars qu'il a fait hier il a dit que vous savez qu'Isa alayhi salam, il est toujours vivant, on est d'accord. Hein? Mais justement, il a dit que certains ulama ont considéré que, qu'en plus d'être un prophète, il était un compagnon du prophète alayhi salam. Parce qu'il a rencontré le prophète alayhi salam. Et qu'il est vivant, d'accord. Petite faïda que je vous donne. À la kulli hal. فنزل هذا كله على قوله تعالى ألم عهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم Donc il dit, les cheikhs ici, hafidhahu Allah, et donc leur prosternation, il cite la parole d'Ibn al-Qayyim toujours, et donc leur prosternation a eu lieu pour lui. Et de même, lors de son coucher, et de même pour celui qui adore le Messie et sa mère. Ils ne les ont pas adorés, mais ont adoré Satan. Car il prétend qu'il adore celui qui lui a ordonné de l'adorer lui et sa mère. Et qu'il a agréé cela pour eux, et qu'il leur a ordonné. Et celui-là est le diable lapidé, pas le serviteur d'Allah et son messager. Et donc il a révélé tout cela dans sa parole, dont la traduction du sens est « Ne vous ai-je pas engagé, enfant d'Adam, à ne pas adorer le diable, car il est vraiment pour vous un ennemi déclaré, et ne vous ai-je pas engagé à m'adorer, voilà un chemin bien droit. » Et c'est toujours les versets sur la Yassine 60-61. Puis il dit, alayhi rahmatullah, et on arrive à la fin, « قال رحمه الله فما عباد أحد من بني آدم غير الله كائنا من كان إلا وقعت عبادته للشيطان فيستمتع العابد بالمعبود في حصول غرضه ويستمتع المعبود بالعابد في تعظيمه له وإشراكه مع الله الذي هو غاية رضا الشيطان أن يشرك مع الله أن يشرك مع الله وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم من سورة إبراهيم قال ولهذا قال تعالى ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس الشيخ دي أي من إغوائهم وإذلالهم وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم من سورة الأنعام قال فهذه إشارة لطيفة إلى السر الذي لأجله كان الشرك أكبر الكبائر شوف هذه الفائدة أو الفوائد سجل هذا لشيخ الدين لأجله كان الشرك أكبر الكبائر عند الله وأنه لا يغفر بغير التوبة منه وأنه يوجب الخلود في العذاب وأنه ليس تحريمه وقبحه بمجرد النهي عنه بل يستحيل على الله سبحانه وتعالى أن يشرع لعباده عبادة إله غيره كما يستحيل عليه ما يناقض أوصاف كماله ونعوت جلاله وكيف يظن بالمنفرد بالربوبية والألوهية والعظمة والجلال أن يأذن في مشاركته في ذلك أو يرضى به تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا إذن اجتمع في الأمران فالنهي وأن ذلك يتنافع مع ماذا؟ مع جلال الله وعظمته وألوهيته انتهى كلامه رحمه الله تعالى وغفر له Il dit, rahmatullah alayh, Ibn al-Qayyim, car il fasse miséricorde, personne parmi les fils d'Adam n'a adoré en dehors d'Allah qui que ce soit, sans que son adoration ne prenne place pour Satan. Et donc celui qui adore jouit de celui qui est adoré par l'obtention de son désir, et celui qui est adoré jouit de celui qui l'adore par la glorification qu'il lui voue, et le fait qu'il est associé à Allah, ce qui est le summum de la satisfaction de Satan, qu'il soit associé à Allah. Allah le Très-Haut dit, c'est dans la traduction du sens est, je, c'est-à-dire Satan, n'avait aucune autorité sur vous si ce n'est que je vous ai appelé et que vous m'avez répondu. Ne me faites donc pas de reproches, mais faites-en à vous-même. Surat Ibrahim verset 22. Il dit, et c'est pour cela qu'Allah le Très-Haut dit, c'est dans la traduction du sens est, et le jour il en les rassemblera tous, ô communauté des djinns, vous avez trop abusé des humains, c'est-à-dire en les égarant et en les humiliant. Et leurs alliés parmi les humains diront, ô notre Seigneur, nous avons profité les uns des autres et nous avons atteint le terme que tu avais fixé pour nous. Il leur dira, l'enfer est votre demeure pour y rester éternellement, sauf si Allah en décide autrement. Vraiment, ton Seigneur est sage et omniscient. Surat Al-An'am, verset 128. Il y a dans ce verset une indication précieuse de la raison pour laquelle l'association est le plus grand des péchés. Regarde ses bénéfices, Cheikh Bukhari dit, et enregistre-les. Il y a dans ce verset une indication précieuse de la raison pour laquelle l'association est le plus grand des péchés. Quelqu'un va peut-être rire parce que c'est interdit. Mais regardez ce qu'il va dire le cheikh ici. C'est interdit, mais il va rajouter quelque chose. Il dit que c'est le plus grand des péchés auprès d'Allah et qu'elle n'est pas pardonnée sans être repentie. Et qu'elle rend obligatoire d'être vouée éternellement au châtiment. Et que son caractère illicite et sa laideur ne sont pas justes en raison de son interdiction. Mais de plus, il est impossible qu'Allah le Très-Haut légifère à ses serviteurs d'adorer une autre divinité que lui, comme il est impossible de sa part ce qui s'oppose aux attributs de sa perfection. et aux caractéristiques de sa majesté. Et comment pourrait-on penser de celui qui détient seul la souveraineté et la divinité et la grandeur et la majesté qu'il permet de lui associer en cela ou qu'il l'agrée? Allah est élevé au-dessus de cela d'une haute élévation, subhanahu wa ta'ala. Et donc les deux, ils sont regroupés. L'interdiction, et que cela s'oppose à quoi? À la majesté d'Allah, et à la grandeur, à sa grandeur et à sa divinité, subhanahu wa ta'ala. Et c'est la fin de la parole de Ibn Qayyim, qu'Allah le trouve, lui fasse miséricorde et lui pardonne. Et avec ça, on a fini le cours pour aujourd'hui. On continuera la fois prochaine, inshallah ta'ala. Wallahu alamu, subhanahu wa ta'ala, wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.